www.vidéo/.org. Y a pas le www.cz. Viens sur mon site que je t'encule. Viens, ça va chier des bulles. Toute cette